Sur le fleuve d'Edon à Pyongyang, les bateaux mouches Hongnyu 1, 2 et 3, bateaux à batterie solaire, sont mis en service. Leur système de commande est conçu par les techniciens coréens. Ils font la navette entre la place Kim Il-sung et le monument aux idées du jeté aux heures d'affluence. Ils rendent également les services de tourisme ou d'excursion sur commande pour les hôtes étrangers et les citadins.